Ngere. Merci d'avoir choisi la radio Sanganiro. Bienvenue dans cette édition en langue française dont voici les principaux titres. Le gouvernement du Burundi trouve qu'il est plus qu'urgent de reprendre les enquêtes indépendantes dans le cadre de la communauté africaine sur les circonstances de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. Des enquêtes qui avaient été entamées mais qui n'ont jamais abouti, dit Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement. Et les femmes leaders sont appelées à lutter efficacement contre les violences basées sur le genre en synergie avec l'administration et autres acteurs. Cela pour anéantir les menaces souvent proférées par les auteurs. Propos de l'activiste espèce Caritas Ravyarimana que vous allez découvrir dans cette édition. Et les préparatifs pour le début du troisième trimestre vont bon train sur différentes écoles de la province de Kayanza. Même si des défis n'en manquent pas, nous aurons les détails avec notre correspondant Patrick Nsengiyumba. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Une loi sur la commémoration des assassinats des grandes figures du pays devrait être mise en place pour éviter des disparités quelconques dans l'organisation de telles activités. Propos du représentant du parti Sahwanya Frodebou dans la nouvelle province de Gitega, au moment où certaines provinces n'ont pas organisé de tels événements ce samedi 6 avril, des cérémonies de commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du feu président Cyprien Ntaryamira. Il demande aussi que ce parti soit associé dans l'organisation des cérémonies de Le Point avec Gérard Nibigira. Selon le représentant du parti Sahwanya Frodebou dans la nouvelle province Gitega composée par les actuelles provinces Muramvya, Mwaro, Gitega et Karusi, Monsieur Manirakiza Daniel, une loi sur l'organisation des cérémonies de commémoration des assassinats et disparitions des grandes figures du pays devrait être mise en place pour éviter qu'il y ait des provinces qui organisent de telles activités et d'autres qui ne les organisent pas. C'est au moment où ce samedi 6 avril, il remarque qu'il y a des provinces qui n'ont pas organisé les cérémonies de commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat de feu président Cyprien Ntaryamira, alors que d'autres provinces les ont organisées. Pour lui, toutes les provinces devraient célébrer le 30e anniversaire de l'assassinat de feu président Cyprien Ntaryamira. Manirakiza Daniel demande en outre que le parti Sahwanya Frodebou soit valablement associé dans l'organisation des cérémonies de commémoration de l'assassinat des anciens chefs d'État burundais et militants de ce parti, à savoir feu président Melchior Ndadaye et feu président Cyprien Ntaryamira, car aujourd'hui son parti n'est pas associé. Pour lui, associer le parti Sahwanya Frodebou est signe de respect de ses illustres disparus et à leur parti politique d'origine. Enfin, il invite tous les Burundais à concrétiser l'héritage de feu président Cyprien Ntaryamira, qui est celui d'observer la discipline partout où l'on est, que ce soit dans la communauté, que ce soit au travail, et cela pour toutes les catégories socio-professionnelles de la population burundaise. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Et le gouvernement du Burundi demande la reprise des enquêtes indépendantes dans le cadre de la communauté est-africaine sur les circonstances de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira, annonce du secrétaire général du gouvernement ce samedi après les festivités marquant le 30e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président. C'était ce samedi 6 avril. Jérôme Niyonzima indique que les enquêtes qui avaient été entamées sur ce cas n'ont jamais abouti et projette de pourparler avec les États de la communauté est-africaine. Suivez. C'est déplorable qu'on ait perdu des vies humaines et qu'on ait perdu la vie d'un président dans un attentat pareil. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement du Burundi est en train de faire, il déplore d'abord que les enquêtes qui avaient été entamées n'aient pas abouti. Il y avait des enquêtes indépendantes qui avaient été entamées au Rwanda pour connaître les mobiles de cet attentat, mais qui se sont arrêtées. On ne connaît pas les raisons jusqu'ici. Et maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est qu'à travers la communauté est-africaine, au niveau de cette famille-là, qu'on puisse entamer des pourparlers, des échanges avec les autres pays avec qui nous partageons la famille, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut demander la relance des enquêtes indépendantes qui puissent dévoiler les circonstances de la mort de feu président Cyprien Ntaryamira. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement du Burundi est consterné, de même que la famille et les Burundais en général. Mais ce qui est quand même rassurant, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement comprend. Le gouvernement est préoccupé par cette affaire-là. Et c'est la raison pour laquelle le peuple peut espérer que des enquêtes pourront être annoncées et la reprise des enquêtes indépendantes, parce que le gouvernement comprend. Ce n'était pas évident que le gouvernement d'alors comprenait les circonstances. Et les femmes et leaders sont appelés à lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, en synergie avec l'administration et autres acteurs. Propos de Space Caritas Javialimana, activiste de la province Kirundo, qui trouve qu'une telle synergie permet d'anéantir la force des auteurs de ces violences qui font souvent recours aux actes d'intimidation au niveau de la commune Kirundo. On apprécie positivement l'implication de ces femmes dans la réduction de ces cas de violence. Alain Désiré, Bukeyenet. Enseignante de carrière du sous-quartier Nanira 3 de la ville de Kirundo, Space Caritas Havyarimana indique avoir été incité par les violences dont vivaient ses consoeurs, camarades de classe, avant de penser à défendre pour les victimes. Space Caritas Havyarimana trouve non moindre le travail de lutte contre les violences et de plaider pour la cause des victimes. Car, selon lui, les présumés auteurs cherchent souvent à se protéger par des actes d'intimidation ou de menaces. Pourtant, les victimes des violences et administratifs à la base apprécient l'implication de Space Caritas et appellent les autres femmes leaders de lui emboîter le pas. Plus encore, Agrippine Kamatamo du département du développement familial et communautaire à la commune Kirundo trouve que l'administration allait avoir du pain sur la planche dans la lutte contre les violences basées sur le genre, n'eût été l'implication active de ces femmes leaders à l'image de Space Caritas. Cela étant, à marge de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNI IDH en 2023 avait précisé que plus de 2640 dossiers des victimes féminines et masculines étaient sous analyse des juridictions burundaises en 2023, alors que plus de 1300 cas avaient été traités et clôturés en 2022. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, parlons de l'éducation. Les préparatifs pour le début du troisième trimestre vont bon train au lycée Gatara en province Kayanza. Propos de Dieudonné Chimilimana, directeur d'internat de cet établissement scolaire. Celui-ci fait savoir qu'il n'est pas facile de nourrir les élèves ces jours-ci suite au prix des denrées alimentaires qui ont beaucoup grimpé sur le marché, bien que l'école ne cesse d'exploiter ses terrains en complément des subsides. Le point avec Patrick Nsengiyumf. Lors de notre passage au lycée Gatala ce dimanche, nous avons constaté que les préparatifs pour l'accueil des élèves pour ce troisième trimestre sont en beau fixe. Les salles de classe et le réfectoire et les dortoirs étaient déjà nettoyés. Toutefois, Dieudonné Chimilimana, directeur d'internat au lycée Gatala, nous a fait savoir que cet établissement scolaire souffle d'un manque criant de dessins matera et des salis pour que 591 élèves scolarisés à cette école puissent dormir tous confortablement. Le directeur d'internat au lycée Gatala parlait aussi parmi les défis auxquels fait face l'école, de l'étroitesse du dortoir des filles, où 204 filles qui sont scolarisées au lycée Gatara dorment dans un dortoir qui est construit sur un espace qui mesure 25 mètres sur 10. En date du 17 mars, là en cours lors de la célébration de la fête de Saint-Joseph, qui est le patron de cette école, Flair Craven Douibona, directeur d'école, a indiqué que l'école qu'il dirige souffre aussi d'un manque d'un véhicule scolaire, ce qui consécutivement, d'après lui, crée des problèmes de transport des vivres et des élèves. Et c'est lui aussi du bois de chauffage. Flair, directeur du lycée Gatala, a aussi parlé du groupe électrogène de l'école qui est beaucoup endommagé, ce qui fait qu'en cas de la coupure d'électricité, les élèves trouvent du mal à réviser leurs cours. Flair Craven Douibona, directeur du lycée Gatala, a saisi cette occasion pour lancer un appel aux natifs de la commune Gatala, aux anciens élèves de cet établissement scolaire et aux parents d'élèves de conjuguer des efforts pour trouver solution à certains des problèmes qui hantent l'école, surtout celui-là, avant l'an 2028 où l'école célébrera le Jubilé d'or. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengui-Yom va de l'éducation au sport. Plus de 110 filles et plus de 140 garçons athlètes participent ce dimanche dans le championnat national d'athlétisme. Ambassadeur Dieudonné Kwizera, président de la Fédération burundaise d'athlétisme, fait savoir que les meilleurs athlètes auront la chance de faire partie de ceux qui vont représenter le Burundi dans différentes compétitions internationales prévues cette année. Suivez. Les athlètes que vous voyez aujourd'hui, autour de 117 dames et 147 hommes, ont été sélectionnés par les compétitions au niveau régional. Les athlètes que vous voyez aujourd'hui, ce sont au fait les athlètes qui se sont distingués au niveau de leurs régions respectives. Cette compétition que nous appelons premier meeting au niveau national, c'est un premier test. Les athlètes se mesurent entre eux, les entraîneurs aussi se mesurent entre eux. Ils vont pouvoir se corriger. Les compétitions qui vont suivre, ce sont des compétitions inter-régions. La région du sud va rencontrer la région du centre. La région de l'ouest va rencontrer la région du nord, par exemple. Et les meilleurs de ces compétitions vont se rencontrer encore une fois dans un meeting que nous allons appeler le meeting national numéro 2. Ceci, c'est pour donner une chance aux athlètes de se mesurer plusieurs fois. Et une chance aussi aux entraîneurs de voir leurs athlètes compétir et peut-être corriger leur façon de les entraîner ainsi de suite. Les athlètes qui sont rencontrés aujourd'hui ont une chance et peut-être ils sont encore jeunes parce que les athlètes plus expérimentés sont déjà en Belgique, sont déjà en Espagne, sont déjà en Italie, mais et ces jeunes, comme vous les avez vus, ce sont des jeunes athlètes qui se cherchent. Nous pensons très bien que d'ici demain, il y aura des athlètes que vous avez vus aujourd'hui qui vont nous représenter dans des compétitions de niveau international. Point final à cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres. Le gouvernement du Burundi trouve qu'il est plus qu'urgent de reprendre les enquêtes indépendantes dans le cadre de la communauté est-africaine sur les circonstances de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. Des enquêtes qui avaient été entamées mais qui n'ont pas abouti, dit Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement burundais. Et les femmes leaders sont appelées à lutter efficacement contre les violences basées sur le genre en synergie avec l'administration et autres acteurs. Cela pour anéantir les menaces souvent proférées par les auteurs. Il s'agit là des propos de l'activiste espèce Caritas et Abdialimana de la province Kirundo. Et les préparatifs pour le début du troisième trimestre vont bon train sur différentes écoles de la province Kayanza, même si des défis ne manquent pas, parmi lesquels se trouvent aussi les prix des produits de première nécessité qui ont grimpé sur différents marchés de cette province. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la parfaite collaboration technique d'Anselme Irambona. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Au revoir.